censé me taire, je suis censé me taire. Tu sens sur la scène, j'ai donné ma perte. Sur un du Trafalgar en 1-1. Et je suis grave mort, je conduirai pas la Formule 1. Faudra la formule et je m'émanciperai comme Mulan. Au lycée communal, je faisais domino. J'aurais pu être bon en philo. Tu veux de la grosse, je t'enfile. T'es comme dans Constantine, non je veux pas de la grosse dentine. Wow. Le rap c'est la cantine, on fera au self. Doucement, toute la recette. C'est la goutte d'eau et je suis débordé. C'est violent ton rap, j'ai décortiqué. Viens pas me parler de rap. Ça veut faire que de la trappe. On prend tes types et on les frappe. Je déroule kitsch dans des sites comme. T'auras qu'à prendre la fuite. Ton malheur on allège, on prend les rênes. On assume peut-être aussi parce qu'on assure. Bien sûr, je te jure qu'on peut tous vous rassurer. On va te spammer. Ta go pas mal. Elle tombe dans les DM. Tu prélèves son ADN. Je bats ta starlet. Je fuck une scarlet. Je bats ta starlet. Non. Je fuck une scarlet. Elle veut pop. Toi tu veux pop. Elle veut pop des choses. Ah ouais là c'est glauque. T'entends le clic boum. Les aigus du compte à rebours. Je t'envoie en mission. Là je t'envoie le missile. Ouais c'est mieux tu bouges avant que tu découvres le missile. Ah ouais c'est triste. Toutes ces bad bitches sont matérialistes. Nous on monte juste l'empire. On investit pour la suite. Et dans l'hôtel je veux la suite. On investit pour la suite. Et dans l'hôtel je veux la suite. Ils sont classés, je vais lui placer. Elle veut se casser. J'aime pas trop causer. La ligne tape, je vais me reposer. Un truc de baiser, je vais leur faire. Tout ce cap dans la job, cap dans l'fer. Personne n'a de temps à perdre. Top sem, hecha, ico, à peine. T'as beaucoup de fume, t'sais pas où la mettre. T'es plein de blabla, t'es pas mal à mec. Trouve-moi au QG ou à Maisonnette. Trouve-moi au QG ou à Maisonnette. Des sons inexistants pour eux. La peau pense au ringoût savoureux.